لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc si tout va bien, moi j'ai prévu qu'on termine les 10 dernières sourates du Coran aujourd'hui. Donc on est arrivé à la sourate Al-Masad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, Bismillahir Rahmanir Rahim, Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Donc on fait une explication brève des versets comme d'habitude, après on lit ce que dit le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah. Donc tabbat, c'est un verbe qui est ici au mandi, c'est-à-dire au passé, mais il exprime le sens de ad-du'a. C'est comme quand tu dis par exemple Ghafarallahu lak. Ghafarallahu lak. Ghafara, c'est au passé. Donc tu dis à quelqu'un Ghafarallahu lak. Est-ce que tu veux dire Allah t'a pardonné ou qu'Allah te pardonne? Qu'Allah te pardonne. Donc, en arabe, on utilise le mardi, le passé, parfois, pour exprimer comme une sorte de dua. Donc ici, Allah a dit tabbat, c'est dans ce sens-là. Et tabba, ça veut dire khasira, khaba, perdre. C'est le contraire de réussir. Donc tabbat yada abi lahabin, les deux mains de Abu Lahab. Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le frère de son père. Et il s'appelait Abdul Uzza ibn Abdel Muttalib. Mais il était connu par ce surnom qui était Abu Lahab. Donc normalement, d'habitude, les Arabes, quand ils disent Abu, le mot qui suit, il désigne quoi? Le fils. Voilà, le fils ou même parfois la fille de l'individu en question. Et là, c'est Lahab. Lahab, ça veut dire les flammes. Donc en fait, Abu Lahab, il n'avait pas un fils qui s'appelait Lahab, mais c'était son surnom qu'on lui donnait déjà auparavant. Et il est dit que ce surnom lui était donné parce qu'il avait un visage resplendissant. Il avait un beau visage, donc tellement beau, tellement resplendissant qu'on l'appelait Abu Lahab. Donc le verset, on peut le traduire plus ou moins par « que périssent les deux mains d'Abu Lahab » ou « à Tabba ». Donc « Tabba », ça, c'est une répétition. Watabba, c'est-à-dire Watabba Hua, et qu'il périsse. Mais en fait, ici, la majorité des Mufassirines, ils disent, le premier, il a le sens d'une dua, même si on ne peut pas vraiment dire dua, parce que là, c'est Allah qui parle. Mais c'est comme si Allah dit, que périssent les mains d'Abu Lahab, Watabba. Ça ne veut pas dire, et qu'il périsse. Ça veut dire, là, c'est un khaba. Là, c'est vraiment le passé dans son vrai sens. Et il a péri. C'est-à-dire, et il est destiné à périr. Donc le premier, c'est une sorte, c'est comme si Allah lui souhaite que périssent les mains d'Abu Lahab. Et le deuxième, c'est une information, ou à tabba. C'est-à-dire réellement, tabba. Il a perdu et il est voué à sa perte. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Ici, le verbe arna, il veut dire dans le sens nafa'a ou dafa'a. Ma arna anhu maluhu. C'est-à-dire, Malouhou, c'est bien. Wama kasaba, et ce qu'il a acquis, ma arna anhu, ne lui serviront à rien. C'est-à-dire contre eux, le châtiment d'Allah. C'est bien, et ce qu'il a acquis ne pourront pas repousser le châtiment d'Allah et ne lui serviront à rien. Et ma kasaba, ici, ça signifie ses enfants. Pourtant, kasaba, ça veut dire ce qu'il a acquis. Mais les Mufassirines, ils l'ont tous expliqué comme en disant. Ici, ça signifie ses enfants. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, « Wal waladu min kasbihi », c'est-à-dire l'homme, ses enfants sont de son acquisition, c'est-à-dire de son kasb. Kasb, c'est à la fois ce que tu as acquis et ce que tu as fait. Donc, ma kasab, sinon, ça serait comme une répétition. C'est bien et ce qu'il a acquis, parce que c'est bien, il les a acquis. Donc, ce qu'il a acquis ici, ça désigne ses enfants. Et d'ailleurs, Abu Lahab, il avait deux fils qui étaient connus pour leur inimitié envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était les beaux-fils du prophète. Ils étaient mariés avec ses filles. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, Abu Lahab a forcé ses deux fils à divorcer des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayasla naran dhata lahab. Yasla, c'est-à-dire sayadkhulu wa sayahtariqu fi narin dhata lahab. Il entrera et il brûlera. Yasla, ça veut dire il entrera et il brûlera. Naran, donc dans un feu Vatalahab, doté de flammes, c'est-à-dire un feu intense. Wamra'atuhu hammalatul hatab. Et sa femme qui porte, le hatab, c'est le bois qu'on porte pour brûler, pour faire du feu. Hatab, c'est les bûches. Donc, et sa femme, la porteuse de bûches. Et on peut réciter aussi la majorité des qurras, des grands, c'est-à-dire les savants de la qira'a, ils ont récité hammalatul hatab. Et Asim, c'est de lui qu'a rapporté Hafs, donc c'est la qira'a la plus répandue de nos jours. Lui, il récitait Hammalatal Hatab avec un A. Le sens, il ne change pas beaucoup. Donc, Wamra'atuhu Hammalatul Hatab. Et sa femme, la porteuse de bois, on va dire, on va traduire comme ça rapidement, Fi Jidiha, Jid, c'est le unuk, le cou. Elle a à son cou, Hablun min Masad, une corde de Masad. Masad, c'est-à-dire la fibre végétale. Donc maintenant, on lit ce que dit le Cheikh Abdelrahman al-Sa'i, rahimahullah. Il dit Abu Lahab, huwa amu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Lahab était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana shadid al-adawati wal-ahiyati lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fala yubi wa la hamiyatu lil-qaraba. Qabbahahu Allah. فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال تبت يدا أبي لهب وتب. Donc il dit, c'était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui causait beaucoup de mal. Donc ni il n'avait en lui la religion, ni au moins le hamiya, c'est-à-dire le respect du lien parental qui le liait à son neveu. Donc Allah l'a humilié avec cette humiliation qui lui pèsera jusqu'au jour de la résurrection, et il l'a blâmé en disant Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ay khasirat yadahu wa shaqiya wa tabba falam yarbah. Donc là il a expliqué, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sens du premier verset. Ma aghna anhu maluhu alladhi kana indahu wa atrahu wa la ma kasabahu. Donc, ses biens ne lui serviront à rien, ni ce qu'il a acquis, il dit, les biens qui étaient auprès de lui et qui l'ont rendu à Tra'ahu, c'est-à-dire ce sont ses biens qui l'ont poussé justement à être de cette façon et à transgresser. Donc, tout cela ne repoussera en rien le châtiment d'Allah une fois qu'il l'aura touché. Une autre chose est rapportée à propos de ce verset, c'est que Abu Lahab aurait dit à quelqu'un: si ce que mon neveu dit est vrai, eh bien, quand je passerai devant Allah, je me rachèterai avec mes enfants et mes biens pour me sauver. Donc Allah lui a répondu en disant Ma arna anhu maluhu wa ma kasab, que ce n'était pas possible. Sayasla naran dhat lahab, ay satuhitu bihi an-nar min kulli janib, huwa wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Donc c'est-à-dire le feu l'entourera de toutes parts, lui et sa femme. Donc quand Allah dit Wamra'atuhu et sa femme, c'est pour l'atf. C'est-à-dire Tabba, Sayasla naran, Wamra'atuhu et sa femme aussi, qu'elle périsse et elle entrera au feu. Wa kanat aydan shadidat al-adhiyat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tata'awanu hiya wa zawjuha 'ala al-ithmi wal-'udwan wa tulqi ash-sharra wa tas'a ghayat ma taqdiru 'alayhi fi adhiyat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا أو plutôt قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف. Donc il dit cette femme, elle était une grande ennemie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est liée avec son mari pour commettre donc des péchés et pour répandre le mal. Et elle faisait tous les efforts possibles pour pouvoir répandre le mal et faire causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est semblable à quelqu'un dans la façon dont elle a accumulé les péchés sur son dos et sur ses épaules. Eh bien elle est assimilable, comparable à quelqu'un qui porte le bois. En fait le cheikh ici il explique Hammalat al-Hatab comme une comparaison. C'est-à-dire comme elle ne faisait que du mal, donc elle se rajoutait sur le dos péché après péché, comme quelqu'un qui met bûche après bûche sur son dos et qui porte un lien pour pouvoir, à son cou, pour pouvoir porter tout ce bois. Donc Il faut savoir que Hammalat al-Hatab, fi jidiha hablum min masad, si vous lisez dans le tafsir, il y a beaucoup d'explications différentes qui ont été rapportées. Certains ont dit, c'est une description d'elle ici-bas. Hammalat al-Hatab, c'est-à-dire, c'est une description comme si on la voyait. Quand on la voit, c'est elle est Hammalat al-Hatab. C'est-à-dire qu'elle portait sans cesse al-Hatab, et notamment pour le poser devant, comme c'est rapporté dans la Sira. Elle le faisait exprès de le poser devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire elle réunissait autant de bois qu'elle pouvait, et du bois avec des épines et tout ça, et elle les mettait devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, ça c'était une sorte d'humiliation, parce que elle c'était une femme noble. La femme d'Abu Lahab c'était Ummu Jamil. Son prénom je ne sais plus, sa kunya c'était Ummu Jamil. Est-ce que vous savez qui était son père? C'est-à-dire, ou plutôt qui était son frère. Abou, le frère de Jamil, c'était Abou Soufiane ibn Harb, qui était au début un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après qui deviendra un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'était sa sœur. Donc eux, ils faisaient partie des grandes familles de Quraysh, des familles nobles. Et normalement, une femme noble comme elle, on ne la voit pas porter du bois sur son dos. C'était pas normal, entre guillemets, à ce moment-là, et chez Quraysh. Mais tellement elle avait la haine qu'elle était capable de s'humilier de cette façon, sans s'en rendre compte, elle sera baissée à faire ça. Donc Allah la décrit en disant Hammalatul Hatab. Donc c'est comme pour la rabaisser. Elle qui est censée être une noble, et elle est Hammalatul Hatab. D'autres ont dit, Mujahid, rahimahullah, l'élève d'Ibn Abbas, il disait Hammalatul Hatab, c'est-à-dire, ça désigne An-Namima. Qu'elle faisait, les dégâts qu'elle faisait avec sa langue. Et il explique en disant que les Arabes, ils appellent la namima, ou celui qui fait le namima, comme quelqu'un qui porte le hatab ou qui répand le hatab. Pourquoi? Parce que le hatab, c'est pour allumer du feu. Et un namima, le fait de colporter les ragots, les paroles des gens les uns sur les autres, ça allume le feu entre les gens. Donc en fait, lui, il a expliqué le verset comme étant une image. C'est pas vraiment qu'elle portait du bois. Mais c'est comme une image, c'est-à-dire que elle cause beaucoup de mal avec sa langue, et notamment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une grande. Elle pratiquait grandement la médisance, la calomnie et le colportage, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit, dire des gens les uns contre les autres. Donc il n'y a pas forcément de contradiction entre toutes ces explications. Il est possible que le verset il veuille dire tout ça, parce que le tout est vrai. Elle faisait de la calomnie, de la médisance. Elle portait le bois pour le mettre devant la porte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, lui, rahimahullah, il a expliqué ça en disant que dans le feu, elle porte du bois pour allumer le feu de son mari, pour que son châtiment augmente de plus en plus. Donc c'est vrai que le verset, il n'interdit pas cette interprétation, mais le problème c'est que personne n'a, en tout cas Ibn Kathir n'a cité personne. Et il n'y a personne de connu qui a précédé Ibn Kathir dans cette explication. Donc, Ibn Kathir, c'est pas un compagnon du prophète, c'est pas non plus un tabi'i. Et donc, tout savant, même s'il est très grand, on prend certaines de ses paroles et d'autres, on les rejette. Même si c'est un grand, grand savant, eh bien, donc cette parole, elle est pas. On peut pas vraiment l'accepter ou la valider. Donc, les paroles qui sont connues, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que Hammalat al-Hatab, c'est-à-dire qu'elle portait du bois pour le mettre devant la porte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle causait beaucoup de mal avec sa langue, mais pas qu'elle porte du bois pour brûler son mari. Aw annaha tahmilu fi an-nari al-hataba. Donc lui, le cheikh, il a cité cette parole d'Ibn Kathir, il a dit Aw annaha tahmilu fi an-nari al-hataba ala zawjiha, mutaqallidatan fi 'unqiha hablan min masad. Il dit où ça signifie qu'elle porte du feu, qu'elle porte du bois en enfer pour brûler, pour alimenter le feu de son mari, en portant à son cou une corde de fibres. Donc là, il a cité, en fait, il fait allusion au tafsir d'Ibn Kathir, mais qui n'a pas de précédent. Hablum min Masad, également, une phrase, c'est un passage du Coran qui est difficile. Dans le tafsir. Le dernier verset là, de Sourate al-Masad, Fi jidiha hablum min masad. Elle a à son cou une corde de, un câble de leaf, de massad, c'est-à-dire de fibres végétales. Déjà sur le mot massad, certains ont dit c'est un fil métallique, d'autres ont dit c'est un fil, c'est de la fibre végétale. Moi je l'ai entendu le disque, en quoi c'est de cuir. Oui, il y en a qui disent ce... En fait, sur le de quoi il est fait, il y a plusieurs paroles chez les Mufassiri. Ce qui est connu de l'massad chez Quraysh, c'était la fibre végétale. C'était ça qui était connu à Mecca. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire le verset? Est-ce que c'est une description? C'est-à-dire qu'elle était comme ça, quand elle portait le bois, elle avait à son cou une corde de fibres. Donc ça peut être ça. C'est-à-dire qu'Allah l'a décrite en fait, au point où on peut s'imaginer. Elle était comme ça avec une corde à son cou, elle portait du bois. Ce qui représente, c'est-à-dire pour montrer les efforts qu'elle était prête à faire pour faire mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment elle était prête à se rabaisser pour faire mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors on peut le comprendre comme ce qui va lui arriver dans l'au-delà. Et encore une fois, en fait, les deux, ça ne se contredit pas. C'est-à-dire que comme elle faisait ça, elle faisait ses efforts ici-bas, elle aura Hablum min Masad en enfer. C'est-à-dire qu'elle aura à son cou, ça s'est rapporté de plusieurs salafs qui disaient que elle aura à son cou donc une corde de feu dans l'enfer, en punition pour ce qu'elle faisait dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire une punition qui ressemble à ce qu'elle faisait. وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله. Il dit dans cette sourate, quelle que soit son interprétation, il y a un grand signe d'Allah. فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلك وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. Il dit dans cette sourate, il y a un signe que le Coran est la parole d'Allah, c'est que quand cette sourate a été révélée, Abu Lahab et sa femme, ils étaient encore vivants. Donc, or, Allah les a condamnés de leur vivant. Donc, ça sous-entend qu'ils ne vont jamais entrer dans l'islam. Donc, c'est une prédiction. Et effectivement, ils ne sont jamais entrés dans l'islam. Tafsir sourate al-Ikhlas wa hiya makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc on peut parler déjà avant de lire le tafsir. Ça c'est quelque chose que Cheikh Saadi fait très peu. Si vous lisez le tafsir de Cheikh Saadi, lui il cite très peu ce qu'on appelle Asbabun Nuzul. C'est-à-dire pourquoi le verset a été révélé, pourquoi la sourate a été révélée. Or des fois c'est intéressant de savoir ça. Ce qui est rapporté à propos de sourate Al-Ikhlas, c'est que dans une version ce serait des juifs, dans une autre version ça serait des mushrikoun, des adorateurs de statues. Ils ont dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siflana Rabbak, décris-nous ton Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il a entendu qu'Allah lui révèle quelque chose, et Allah lui a révélé la sourate Qul huwa Allahu Ahad. C'est pour ça qu'elle est, comme le disait un compagnon, Wasfur Rahman. Elle est la description du miséricordieux. C'est-à-dire, c'est là, entre guillemets, c'est comme si on disait, c'est la présentation d'Allah. C'est Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Cette sourate, elle ne parle que d'Allah. Et son sens, il est très général. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont, ce n'est pas des détails parmi les caractéristiques d'Allah, mais ce sont des sens globaux. Et on sait également que cette sourate, je pense que ça vous le savez tous, elle équivaut au tiers du Qur'an, c'est-à-dire dans la récompense, lorsqu'on la récite. Donc, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ أَيْ قُلْ قَوْلًا جَازِمًا بِهِ مُعْتَقِدًا لَهُ عَارِفًا بِمَعْنَى. Donc, quand Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, il dit c'est-à-dire une parole ferme accompagnée d'une croyance et d'une connaissance. C'est-à-dire, dis-le en y croyant et en sachant ce que tu dis. Huwallahu ahad. Ici, Huwallahu ahad, on peut. C'est-à-dire, est-ce que le verset veut dire Huwallah, c'est-à-dire il est Allah, et ensuite ahad, unique. Ou est-ce que ça veut dire Huwa Ahad, il est unique, mais le verset il dirait Huwa Allahu, lui. Donc avec le français ça nous aide à comprendre les deux possibilités. Qul Huwa Allahu Ahad, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire Huwa deux points, c'est-à-dire il est deux points, Allah unique, ou est-ce que ça veut dire lui virgule Allah est unique. Deux points. En fait, les deux, ils sont muhtamil, mais le sens, ça ne change pas beaucoup. Ça n'a pas une grande incidence, en fait. Dans tous les cas, ça signifie qu'il s'appelle Allah et qu'il est Ahad. Mais il faut le comprendre des deux façons. Huwa Allahu wa huwa Ahadun, ou huwa yani Allah huwa Ahad. Mais bon, ça ne change pas grand chose au sens, mais c'est intéressant. قل هو الله أحد أي قد انحصرت فيه الأحدية. C'est-à-dire انحصرت فيه الأحدية. Comment on va traduire ça? C'est-à-dire l'unicité, elle est réduite à lui, en lui. C'est-à-dire que الأحدية, c'est sa qualité à lui et à personne d'autre. الأحدية, ça veut dire le fait d'être أحد, d'être unique. فهو الأحد المنفرد بالكمال. Donc il est الأحد, l'unique. Al-Munfaridu bil Kamal, le seul à être parfait, le seul à être doté de la perfection. Alladhi lahu al-asma'ul husna was-sifatul kamilatul ulya wal-af'alul muqaddasa. Donc c'est lui qui a les meilleurs noms, al-asma'ul husna was-sifatul kamilatul ulya, les meilleures caractéristiques, wal-af'alul muqaddasa, et les actes al-muqaddasa, c'est-à-dire qui sont exempts de tout ce qui est négatif. Muqaddasa, c'est-à-dire saint. Ils sont des actes parfaits. Donc Allah a des noms parfaits, des qualités parfaites, et ses actes sont parfaits. Alladhi la nadhira lahu wa la mathil. Et il n'a ni équivalent ni semblable. Ici, il aurait pu également faire le tafsir du nom Allah. Abdullah ibn Abbas, il disait, radiallahu anhumain, Allahu dhul uluhiyati wal ubudiyati ala nasi ajma'in. Voilà comment ibn Abbas a défini le nom Allah. Il a dit Allah, ça veut dire celui qui a, il a cité deux caractéristiques. Al-uluhiyya. Al-uluhiyya, c'est-à-dire le fait d'être ilah. Wal ubudiyya. L'ubudiyya, c'est-à-dire le fait qu'il mérite l'ibada. Donc qu'est-ce que ça veut dire les deux? Al-Uluhiyya, c'est-à-dire qu'il a les qualités parfaites, les qualités divines, c'est Allah qui les a. Wal-Ubudiyya, c'est-à-dire comme il a les qualités divines, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc le nom d'Allah, il signifie Al-Ilah. Al-Ilah, c'est un dieu, c'est-à-dire la divinité. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il a les qualités de la divinité, et ça implique qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Donc le nom d'Allah, il a ces deux sens. Il indique à la fois toutes les qualités d'Allah, les qualités divines, mais pas seulement. Parce que ilah, ça veut dire ma'boud, adoré. Donc ça, on en comprend aussi qu'il est le seul qui doit être adoré. Donc le nom d'Allah, c'est cela qu'il signifie. Allahu Samad. Non, je vais faire un sondage pour voir ce que vous connaissez sur Allahu Samad. Vraiment, je l'ai déjà fait peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Allahu Samad, t'as déjà lu quelque chose sur ça ou pas? Je vais voir ce que vous connaissez sur, parce que ça c'est difficile un peu. Allahu Samad, c'est pas tout le monde qui... Sa traduction, c'est qu'il n'a pas été engendré, c'est ça? Non, ça c'est le verset d'après. Allahu Samad. Samad? Non? Non. Des fois ils disent l'absolu, tout ça, mais bon, ça ne veut pas dire grand chose. Personne n'a une idée sur un samad. Samad, ça veut dire qu'il n'a pas de. Comment je vais dire? Il n'y a pas d'erreur, il est. Parfait. Parfait, hein. Mais c'est pas. Il y a ça dedans. Il y a ça. En fait, un samad, il y a plusieurs. En fait, il faut regarder dans les savants du tafsir ou de la aqida, quand ils expliquent samad, ils expliquent ça notamment avec la langue arabe. Et ils disent, en fait, chez les arabes avant, ils appelaient Samad quelqu'un qui est un chef à qui on obéit, par exemple un chef de tribu qui est puissant, auquel on obéit, et c'est vers lui qu'on se tourne quand on a besoin de quelque chose. Donc il y a deux ma'nas dedans. Il y a Siyada, l'autorité, et Al-Rina, c'est-à-dire le fait que lui, il n'a pas besoin des autres, mais tous les gens se tournent vers lui. Après, il y a aussi d'autres salafs qui disaient Alladhi la jawfala. Ça, c'est dur à traduire en français. Mais donc, As-Samad, en fait, on en comprend. Celui qui est parfait, parce qu'il a toutes les qualités parfaites. Et donc, comme il a les qualités parfaites, son autorité est parfaite. Et tous les gens se tournent vers lui et dépendent de lui. Toutes les créatures se tournent vers lui pour leurs besoins. C'est ça le sens de As-Samad. Donc, allez me traduire ça en français. C'est impossible. C'est pour ça que moi je trouve, alors l'alem, une erreur qu'ils font dans. Tu me demandes quelque chose? Ah, je croyais que tu faisais ça. Non, je croyais que tu faisais ça. Mais quand tu prends le dictionnaire arabe, ça n'a pas de définition. Je sais pas. Je sais pas. C'est Ni conseiller. C'est pas terrible. Non, c'est peut-être conseiller. Hein, pour... En fait, une des erreurs qu'ils font, moi je trouve, hein, alors, quand ils veulent traduire les noms d'Allah, c'est qu'ils se forcent à traduire les noms d'Allah. Non. Moi, si je devais écrire un livre sur les noms d'Allah, je laisserais As-Samad en arabe, je l'écrirais en phonétique en dessous, après j'explique. Mais pourquoi le traduire? Ça sert à rien de le traduire. L'explication, oui, mais le traduire, ça sert à rien. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé, j'ai dû faire ça, on m'a demandé, on m'a donné un truc sur 99 noms d'Allah, et on m'a dit surtout, faut traduire, faut tout traduire, faut rien laisser en arabe. Donc chaque nom d'Allah, j'ai dû essayer de le traduire, mais c'était sans mal, si je veux dire sans mal. En plus, il y a plein de noms d'Allah, ils ont plus ou moins le même sens. Par exemple, si tu dis Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Wahhab, tout ça signifie celui qui donne. Donc tu vas dire quoi? Le donneur, le donateur, au bout d'un moment, ça y est, tu sais plus quoi dire. Al-Muhsin, Al-Muhsin, Al-Mannan. Plusieurs noms qui veulent dire qu'Allah il est bienfaisant. Au bout d'un moment, comment tu vas faire? Et souvent, les noms d'Allah, ils ont deux sens. Par exemple, on avait vu dans la khutba, As-Salam. As-Salam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire As-Salim, c'est-à-dire celui qui est exempt de tout manquement, de tout défaut, etc. Mais également, ça veut dire Al-Ladhi yusallimu ala ibadihi. Comment tu veux? Celui qui salue, entre guillemets, ses serviteurs. Comment tu vas traduire ça? Ça se traduit pas, ça serait nul de traduire ça. Comment tu vas traduire Al-Quddus? Al-Quddus, ça veut dire le saint, mais s'il n'y a pas une explication, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça c'est un bon exemple. As-Samad, comment tu vas traduire tout ce que je viens de dire? Samad, ça ne se traduit pas. Donc, il dit Allahu Samad, ay al-maqsoudu fi jami'il hawa'ij. Donc il dit, c'est celui. Al-Maqsoud, c'est-à-dire celui vers qui on se dirige, vers qui on se tourne pour tous nos besoins. Fa'ahlu al-alami al-ulwi wa al-sufli muftaqiruna ilayhi ghayat al-iftiqar. Yas'alunahu hawa'ijahum wa yarghabuna ilayhi fi muhimmatihim. Il dit donc, les créatures du monde supérieur comme celles du monde inférieur, muftaqiruna ilayhi, dépendent de lui, ont besoin de lui. Et donc elles lui demandent tout ce dont elles ont besoin. Et elles placent leur espoir en lui. Mais regardez ce qu'il dit après. Donc ça, c'est un des sens, en fait. Après, il dit, li annahu, car il est, el kamilu fi awsafihi. Donc en fait, le cheikh, c'est ingénieux comment il a fait. Il a tout réuni dans une explication. En fait, si on lit le tafsir des salaf, un il a expliqué comme ci, l'autre il a expliqué comme ça. Ça ne se contredit pas. Donc le cheikh, il a fait une tournure qui explique tout. C'est celui vers qui on se tourne, mais pourquoi on se tourne vers lui? Parce qu'il est parfait dans ses qualités. Donc il dit, لِأَنَّهُ الْكَامِلُ فِي أَوْصَافِهِ الْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ الْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ الرَّحِيمُ الَّذِي كَمُلَ فِي رَحْمَتِهِ الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَهَكَذَا سَائِرُ أَوْصَافِهِ. Il dit donc, car il est, donc il se tourne vers lui, car il est parfait dans toutes ses caractéristiques. Son savoir est parfait, sa clémence est parfaite, sa miséricorde est parfaite, et ainsi de suite pour toutes ses caractéristiques. Donc ça, c'est rapporté notamment de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, quand il a expliqué As-Samad, il a dit As-Samad, As-Sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi, As-Sharifu alladhi kamula fi sharafihi, et ainsi de suite. Il a dit, c'est As-Sayyid. Pareil, As-Sayyid, comment tu vas traduire Sayyid? Sayyid, c'est un chef. Mais quand tu dis le nom d'Allah, Sayyid, tu ne vas pas dire le chef, ça ne se dit pas en parlant d'Allah, c'est nul. Si tu dis le maître, ben comment tu vas traduire par exemple les autres noms d'Allah qui veulent dire la même chose? Ar-Rab, par exemple. Bref, tout ça pour dire que ça ne se traduit pas. Donc, Abdullah ibn Abbas, il a donné cette explication, c'est-à-dire celui qui est parfait dans chacun de ses attributs, et notamment surtout les attributs qui désignent son autorité, c'est-à-dire Sayyid. Sharif, etc. وَمِنْ كَمَالِهِ أَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لِكَمَالِ غِنَاهُ. Et il est de sa perfection que لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Pourquoi? Parce que il dit likamali rinahu, parce que il est parfaitement indépendant. C'est-à-dire que c'est le propre de la créature d'être enfantée ou d'enfanter, parce qu'elle a besoin et elle peut avoir un semblable. Allah n'a pas de semblable et n'a besoin de personne. Donc c'est pour ça qu'il n'est ni enfanté ni n'a enfanté. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc لَمْ يَكُنْ لَهُ, c'est au passé. لَمْ يَكُنْ لَهُ, et personne n'a été à lui كُفُوًا, équivalent. Si on traduit littéralement pour que vous compreniez les mots. En fait, كُفُوًا, كُفُوُن ou bien كُفُوُن, ça veut dire comme un équivalent. Donc, et personne ne lui a été équivalent. Donc dans le sens, personne ne l'a été, personne ne le sera jamais. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas de كُفُوُن. Donc il y a plusieurs mots dans le Coran comme ça qui désignent le semblable, l'égal, et Allah les a tous reniés. Il n'a pas employé un seul mot, il en a employé plusieurs. Par exemple, andad. Voilà, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ andada. Ne donnez pas à Allah des égaux, ni d'où. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Est-ce que tu lui connais un سَمِيُّ, c'est aussi un équivalent. Ici, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا Ahad. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est à, ne lui est semblable. Tout ça, ça signifie la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lui est égal, personne qui lui est équivalent, personne qui lui est semblable. Le verset, on peut le réciter de deux façons. Enfin, comme moi, j'en connais deux. Walam yakun lahu, on peut dire kufu'an. On peut mettre une hamza, hamzatul qatr, sur le mot. Kufu'an ou kufu'an. Donc il dit walam yakun lahu kufu'an ahad, la fi asma'ihi. Donc il n'a d'équivalent ni dans ses noms, ni dans ses qualités, ni dans ses actes. فَهَذِي سُورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Il dit donc cette sourate, elle englobe en fait le sujet de ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans ses noms et ses qualités. Donc on commence à quelle heure au cours ? 13h. 13h05. 10. Bon, on a le temps quoi. Alors, tafsir surat al-Falaq. En fait, c'est parce que je ne veux pas m'arrêter en plein milieu de surat al-Nas, quoi. Si on enchaîne, on enchaîne. Tafsir surat al-Falaq wa hiya makkiyya. Donc, bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Ay qul muta'awwidhan a'udhu ay alja'u وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. Donc là il explique le premier verset. قول, c'est-à-dire dit pour chercher la protection d'Allah. أعوذ, il explique أعوذ, c'est-à-dire c'est comme il le traduit en français, je me réfugie, c'est-à-dire je cherche la protection de. أعوذ, donc ici bien sûr ça désigne Allah, mais Allah s'est désigné en disant برب الفلق. C'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ensuite pour tout le monde. Mais en fait, il nous est pas demandé de dire A'udhu bi Rabbil Falaq. À chaque fois, le prophète il récitait toute la sourate pour se protéger. Tu dis qul avec. Tu dis qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Donc, Rabbil Falaq, c'est-à-dire le seigneur de Al-Falaq. Al-Falaq, ça veut dire fendre. Donc, les seigneurs du fait de fendre quelque chose. Donc par exemple, Allah dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, il s'est décrit en disant Faliqul Habbi wan Nawa. C'est lui qui fend Al-Hab, la graine et le noyau. La graine c'est pour les céréales et tout ça, et les noyaux pour les arbres. Donc quand on les met dans la terre, au bout d'un moment ça se fend. Donc Allah dit Faliqul Habbi wan Nawa. C'est lui qui fait ça. Dans un autre verset, Allah dit de lui-même Faliqul Isbah. C'est lui qui fend l'aube. Donc le verset il est général ici, le falaq, c'est-à-dire qu'Allah c'est lui qui ouvre certaines choses. Beaucoup des salafs ils ont expliqué le falaq ici en disant l'aube. En fait le falaq veut dire l'aube, le seigneur de l'aube. Parce que l'aube c'est un des grands signes d'Allah. Parce que c'est deux situations contraires, hein, soudain, l'obscurité et soudain le jour qui commence et la lumière. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ceux qu'il a créé. Wa hadha yashmalu جَمِيعَ مَا خَلَقَ اللَّهِ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍ وَحَيَوَانَاتٍ فَيُسْتَعَاذُ بِخَالِقِهَا مِنَ الشَّرِّ الَّذِي فِيهَا. Donc ça englobe tout ce qu'Allah a créé, les génies, les humains, les animaux. Donc en disant ça, on se réfugie contre leur créateur pour qu'il nous protège du mal qu'il y a dans tous ces êtres. ثُمَّ خَصَّ بَعْدَمَا عَمَّ فَقَالَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. C'est intéressant ce qu'il a dit. Il a dit ensuite, Allah a précisé بَعْدَمَا عَمَّ, alors qu'avant il a عَمَّ, globalisé, voilà. C'est-à-dire, quand Allah a dit min sharri ma khalaq, bah, ça englobe tout. Tout ce qui va venir après. Mais Allah a recité certaines choses qui sont déjà comprises dedans. Donc, par exemple, min sharri ghasiqin idha waqab, c'est déjà compris dans min sharri ma khalaq. Donc, min sharri ma khalaq, c'est général. Et les trois qui suivent, c'est un détail. C'est un détail de min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Donc là, le cheikh, malheureusement, il n'a pas bien expliqué les mots. Rasiq, ça veut dire mudlim, quelque chose d'obscur. Donc c'est la nuit en fait. Rasiq ici, c'est la nuit. Et waqaba, ça veut dire dakhala. Donc ça veut dire contre le mal de la nuit quand elle entre. Ay min sharri ma yakunu fil layl, hina yaghsha an-nas wa tantashiru fihi kathirun min al-arwah ash-sharira wal hayawanat al-mu'dhiya. Il dit donc, ça signifie que tu demandes la protection d'Allah contre le mal de ce qu'il y a la nuit, de ce qui se passe la nuit, quand la nuit recouvre les gens. Et que, lors de la nuit, il y a beaucoup de mauvaises âmes qui se répandent. Donc là, bien sûr, il fait allusion aux âmes des diables, puisqu'on sait que les diables, ils se répandent au coucher du soleil. C'est là qu'ils sortent de leur sommeil ou de leur trou, entre guillemets, et qu'ils se répandent sur terre. Et également, le mal de certains animaux, qui font spécialement du mal la nuit. Donc la nuit, de façon générale, mais il y a plus de mal que le jour. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est naturellement, l'être humain, il ressent de la peur la nuit, alors que le jour, il ne ressent pas de peur. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si vous saviez ce que je sais, personne ne voyagerait seul la nuit. Donc c'est quelque chose de déconseillé. Et contre le mal de celles qui soufflent dans les nœuds, ou sur les nœuds. Ay wa min sharri sawahir. Cela signifie donc contre le mal des sorcières. Allati yasta'inna ala sihrihinna bin nafsi fil 'uqad. Celles qui utilisent pour faire de la sorcellerie le fait de souffler sur les nœuds. Allati yaqidnaha ala sihr. Les nœuds qu'elles font sur la sorcellerie. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pourquoi les sorcières ici au féminin? Alors que ceux qui pratiquent la sorcellerie, c'est autant des hommes que des femmes. D'ailleurs, on n'a pas expliqué pourquoi la sourate elle a été révélée. La sourate elle a été révélée parce que un juif qui s'appelait Labid ibn al-Asam a fait de la sorcellerie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète donc a été touché par la sorcellerie. Et il avait des sortes d'illusions. C'est-à-dire qu'il croyait avoir fait quelque chose alors qu'il n'avait pas fait. Et au bout d'un moment, Allah a envoyé deux anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus dans son sommeil. Qui ont dialogué l'un avec l'autre à propos de lui-même, en lui disant qu'est-ce qu'il a, l'autre il a répondu, il est ensorcelé, et ensuite ils ont révélé, Allah lui a révélé la sourate, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et c'est Jibril qui a récité Al-Falaq au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois qu'il récitait un verset, un des sept nœuds se défaisait, parce que c'était une sorcellerie qui avait été faite avec ses cheveux, avec un peigne, et avec sept nœuds. Donc, pourquoi au féminin, alors que c'est même dans l'histoire, c'est un homme, c'est même pas une femme. En fait, certains ont dit an-nafathat yani al-anfus. Ça veut dire les âmes, les créatures qui soufflent dans les nœuds, pas les femmes qui soufflent sur les nœuds. Wallahu a'lam. Une personne. Hein? Une personne. Voilà, comme si on disait une personne. Donc c'est, en français, ça serait féminin. Donc là, c'est pareil. Al-anfus ou al-makhluqat, les créatures ou les âmes qui soufflent sur les nœuds. Pourquoi qu'il souffle sur les nœuds? Parce que un des procédés de la sorcellerie, c'est que la personne, elle va réciter des incantations, donc en fait des prières, plus ou moins, on peut résumer ça en disant des prières adressées aux shayatines, des formules. Donc la sorcellerie, c'est une science, c'est un art, qui est haram, bien sûr. Et même l'apprendre, et l'enseigner, c'est du kufr. Mais c'est une discipline qui existe et qui se transmet depuis des siècles, voire des millénaires. Et leur procédé, il consiste notamment en fait, en ce geste symbolique qui est de réciter une incantation et après, ils vont faire un nœud. Ce nœud, en fait, c'est symbolique, c'est pour sceller la sorcellerie. Et quand ils vont sceller la sorcellerie, ils vont souffler, après avoir dit l'incantation, ils vont souffler sur le nœud. Un neuf, c'est à la fois du souffle et de la salive. Donc ils soufflent et ils postillonnent sur le nœud. Et donc nous-mêmes, on le fait, mais dans le sens inverse. Avant de dormir, on récite Qul huwa Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, et après, on postillonne dans nos mains et on les passe partout sur notre corps. Et on fait ça trois fois. Donc eux, ils le font, mais avec le shirk, avec les prières dédiées au diable. Donc on en comprend aussi que donc, la sorcellerie, c'est quelque chose contre lequel il faut demander la protection d'Allah. Donc c'est bien quelque chose de réel. Quand le Coran il nous montre que la sorcellerie, elle peut séparer un homme de sa femme. Donc, elle peut également faire des illusions, comme à l'époque de Moussa. Quand les sorciers ont jeté leur bâton, ils ne se sont pas transformés en serpents. Mais c'était aux yeux des gens, les bâtons s'étaient transformés en serpents. Seulement dans les yeux des gens. En vérité, un sorcier ne peut rien transformer du tout. Il n'y a qu'Allah qui peut le faire. C'est pour ça que quand Moussa a jeté son bâton, et que son bâton il s'est vraiment transformé en serpent, là les sorciers ils ont compris. Lui, c'est pas un sorcier. Parce qu'on connaît la sorcellerie, on est les experts, ça on peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Ils ont cru sur le champ. Donc la sorcellerie, elle existe et elle a des effets. Maintenant, moi je vous mets en garde contre quelque chose, c'est la psychose. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué un truc, c'est que il y a des gens, par exemple, ils n'étaient pas musulmans carrément. Quand ils n'étaient pas musulmans, ils pouvaient regarder trois films d'horreur chez lui le soir, après dormir tranquille. Ils pouvaient rouler la nuit dans une route de campagne tranquille. Ou alors quelqu'un qui était musulman, mais bon, il était un peu égaré, tout ça, il ne s'intéressait pas au dîn. Et il vivait tranquillement, il avait peur de rien. Et le jour où il se met dans la religion, et il découvre que les djinns, ça existe, la sorcellerie, ça existe, là, il se met à psychoter, à avoir peur. Alors que normalement, c'est l'inverse. Une fois que tu découvres la religion, c'est là que tu n'as plus peur normalement. Donc même si tu découvres que les djinns, ça existe, les diables, ça existe, la sorcellerie, ça existe, mais ça, on t'a pas dit ça pour que tu en aies peur. La religion, elle t'a dit ça pour que tu saches que ce mal, il existe, tu dois t'en protéger. Comment tu t'en protèges? Ben, en faisant tes prières à l'heure. La plus grande protection, d'abord, c'est le tawakkul. D'avoir confiance en Allah. Tu sais qu'Allah il est au-dessus de tout ça et que si Allah le veut, si Allah te protège, tout ça, ça ne peut pas te toucher. Également, faire des duas, faire réciter par exemple les trois dernières sourates après chaque prière, ou bien le matin, ou bien avant de dormir en soufflant dans ses mains, etc. Donc si tu fais ça, ça suffit, ça ne sert à rien de psychoter sur ces choses-là. Malheureusement, qu'est-ce qu'on observe autour de nous? C'est des gens, ils rentrent dans la religion, et puis après ils vont sur YouTube, ils tapent Ruqya, ils regardent plein de vidéos sur la Ruqya, et après ça y est. Ça y est, il se met à psychoter. Dès qu'il entend un bruit de tuyau chez lui, ah, ça y est, ils sont là. Dès que tu éternues un peu trop ou tu tousses, ah, peut-être toi tu as un djinn. Ou alors juste un jour tu as un tic, ah, ça y est, toi tu as quelque chose. Ou alors il récite le Coran, il s'endort un peu, ah, ça y est, je m'endors en restant Coran, ça veut dire que c'est un signe. Il y a des gens qui alimentent ça. Il y a des gens sur le net ou à travers des livres. Il détaille trop dans le sujet de la ruqya et des djinns et tout ça. Alors que quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon bah il nous a donné des bases, il nous a enseigné des choses, mais on voit que les sahaba, par exemple les quatre imams, l'imam Malik, Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa, est-ce qu'ils ont dit tout ça? Ouais, faire ceci, faire cela, les signes de ci, ils n'ont pas détaillé tout ça. Donc le jour où ça t'arrive vraiment, bon bah c'est tout, tu te tournes vers Allah, tu récites le Coran, tu fais des du'as, etc. Mais ça ne sert à rien de psychoter sur ces choses-là. Et même, l'expérience, elle montre que celui qui psychote, c'est lui qui finit dedans. Soit il finit vraiment dedans, c'est-à-dire qu'il est touché par ça, ou soit que, et ça se passe ici. Moi, j'ai connu, par exemple, plusieurs personnes, j'ai connu plusieurs témoignages, donc je vais vous en raconter un, et j'en connais plusieurs à qui c'est arrivé. Donc j'ai un ami, qui a plus de savoir que moi dans la religion, un jour il était en Égypte. Et en Égypte, il a rencontré une bande c'était des convertis qui ne connaissaient pas l'arabe. Ils étaient venus pour apprendre l'arabe. Donc eux, ils ne peuvent pas parler l'arabe. Et lui, il parle l'arabe. Et il y en a un, soi-disant, il était mejnoun. Bon, admettons. Donc il est mejnoun, il crie, il danse, etc. Et le frère, il lui faisait Ruqya, mon ami. Et quand il lui faisait Ruqya, bon, bah, c'était un film, c'était l'exorciste. Il disait, je suis le diable, tout ça, je suis Iblis et tout. Et les autres, ils étaient impressionnés. Et mon ami, il a flairé le truc, il a dit, t'as rien du tout. Donc eux, ils sont retournés contre lui. Ils ont dit, comment ça, tu l'accuses de mentir, je suis pas un fou, nanani, nanana. Et ils ont insisté, trouve-lui quelqu'un pour faire Ruqya. Et lui, il a appelé, peut-être vous êtes déjà tombé sur ses livres, un cheikh qui s'appelle Wahid Abdessalam Bali. C'est un Égyptien, bon, c'est un pro de la Ruqya. Mais c'est justement le genre de livre qui te rend un peu, qui te fait un peu psychoter. Ces livres, il faut un peu psychoter. Mais c'est son domaine, il a de l'expérience dans ça. Il a trouvé son numéro, il l'a appelé, ils ont été jusqu'à son village. Et le cheikh, il leur a dit, en fait, moi, je pratique plus, mais vous allez dans telle maison, c'est mon élève qui connaît, je lui ai tout transmis. Et voilà, il est aussi fort que moi, et voilà, vous allez le voir. Donc ils sont partis voir l'autre cheikh, il les a reçus, ils ont expliqué le problème, il a récité sur le frère, il a fait son exorciste, etc., sa scène. Et le cheikh, il a regardé mon ami, il lui a dit, il fait toujours ça, quand tu lui fais ruqya? Donc il a dit, ouais, il dit rien. Tu le ramènes à l'hôpital psychiatrique, c'est dans sa tête, c'est psychologique. Mais c'est-à-dire que faut que vous compreniez que c'est un point où l'individu, il croyait vraiment être Mejnoun, c'est-à-dire c'est pas qu'il ment. Et ça, c'est un truc dans la psychologie, ça existe. Que la personne, elle se convainc d'un truc. C'est-à-dire que si tu lui dis tu m'étonnes, il va dire ah non, je m'étonne pas. Il croit vraiment. Et moi, quand mon ami m'a raconté ça, j'étais un peu sceptique. Mais il m'a raconté plusieurs cas sur lesquels il est tombé. Par exemple, une fois, c'était une femme, soi-disant elle a un djinn, etc. Donc il fait Ruqya, et allez, ça commence, les scènes et tout. Et au bout d'un moment, pareil, il flaire qu'elle fait de la comédie. Et il m'a dit, j'ai commencé à lui réciter de la poésie arabe. Et elle ne sait pas, elle, que ce soit tu récites de la poésie du Coran, elle ne capte rien. Donc il a commencé à réciter de la poésie arabe, et elle a continué sa scène. Donc, la poésie, c'est pas censé brûler les diables. Donc, c'était que du pipeau. J'ai rencontré une fois aussi un imam qui venait d'Algérie, qui est venu l'année dernière pour faire le Tarawih à Tourcoing. Et il m'a raconté la même chose. Lui c'est en 10 fois plus. C'est-à-dire que là-bas, au Bled, il y a plein de gens qui viennent le voir pour Ruqya. Et il m'a dit, j'en vois plein. Ils croient vraiment qu'ils sont musulmans. Et puis, en fait, c'est dans leur tête. Il m'a dit, quand je leur récite, il fait le même vice, il leur récite de la poésie, puis eux, ils continuent à faire des trucs de fou. Donc c'est que c'est là. Il m'a dit, après, il y en a aussi beaucoup qui font semblant. Parce qu'ils ont un problème, par exemple, il m'expliquait au bled, ils tombent beaucoup sur des filles, on leur amène des filles, soi-disant, mais Mejnouna et tout ça. Et après, quand il la prend à part, il lui dit, écoute, je sais que tu mens, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, bah, en fait, on m'a marié, moi, j'avais pas trop envie d'être avec lui, donc maintenant, je fais ça pour trouver une excuse pour qu'il me jette. Donc, certes, les djinns ça existe, la sorcellerie ça existe, tout ça ça existe, mais mollo mollo. Faut pas psychoter, faut pas. Si on est un croyant, on fait ses prières, on fait ses doigts, on a confiance en Allah. Une fois que ça nous arrive sur là, d'accord. On fait des doigts, on fait un rocker, etc. Mais sinon, ça sert à rien de psychoter. Moi, j'ai déjà assisté à un qui fait que pareil. Ouais. Par contre, cette personne-là, elle avait vraiment le djinn. Ah non, mais il y Il en l'a a, fait je dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. sortir en, je dirais, 5 minutes. Il a pris, il a récité le Coran, il a fait un petit peu, sorti, 5 minutes, elle ne se rend même pas compte comme quoi elle était. Ah, c'est comme si elle se réveillait. Voilà, c'est Non, réveillée. ça arrive. Hein. Après, en vérité, il y en a beaucoup de la sorcellerie dans notre société. Il y en a plein. Et les gens, ils le font beaucoup. Les femmes, des musulmans, elles font la queue chez les sorciers. Mais voilà, il ne faut pas leur donner plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Le dernier verset, « Wa min sharri hasidin idha hasada » contre le mal d'un envieux lorsqu'il en vit. « Wal hasidu huwa alladhi yuhibbu zawal al-ni'mati 'an al-mahsud » فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. Il dit Al-Hasid, c'est celui qui aimerait voir disparaître le bien de celui qui l'envie. Par exemple, tu as une belle voiture, bah lui, il voudrait que ta voiture elle disparaisse, que tu la perdes. Et donc, il fait tout ce qu'il peut comme cause pour te faire perdre ton bien. فاحتاج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. Il dit donc on a besoin de se réfugier auprès d'Allah contre son mal. pour qu'il annule ses plans, pour qu'il annule ses ruses. ويدخل في الحاسد العاين لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس فهذه السورة donc il dit et entre dans le hasid el aïn celui qui fait l'aïn donc on dit l'aïn et celui qui subit l'aïn on dit el ma'in donc l'aïn qu'est-ce que c'est le mauvais œil ça existe la sunna elle l'a affirmé le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam el aïn haq. Mais l'aïn, c'est pareil, ça sert à rien de lui chercher 50 000 explications. L'aïn, c'est l'aïn. L'aïn, ça veut dire quelqu'un, il regarde quelque chose. Il dit par exemple, waouh, ou un truc comme ça. Ou alors il le regarde, il est jaloux. Et boum, la personne, elle peut mourir, tomber malade, s'évanouir. Quand t'as l'aïn, on peut avoir l'aïn. Par exemple, un père ou une mère, elle peut frapper son fils. Peut frapper c'est son possible, mère. Ouais. L'aïn, il vient notamment avec l'ajab. Bon, là, le shikh, lui, il a expliqué que du côté. Il a dit l'aïn ça vient que d'une personne qui a un cœur mauvais, une âme mauvaise, etc. Et avec la jalousie. Certains ils disent que l'aïn ça peut être même sans jalousie. Wallahu a'lam. Ça faut regarder tajriba. C'est-à-dire tu sais quand tu es touché par l'aïn. L'aïn, ben, c'est pour ça que c'est important de faire le truc que je vous disais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait tous les soirs. Si tu fais ça comme ça, tu n'as pas à psychoter est-ce que j'ai l'aïn, est-ce que j'ai pas l'aïn. Si tu fais ça, bah, si, même si tu en as, ça va partir. Mais après, comment tu peux le savoir? Allah a'lam, c'est par exemple que ça dépend ce que tu as comme. Par exemple, on va dire, toi, tu es quelqu'un de très intelligent. Tu as une super mémoire. Tu remarques qu'une fois, tu étais dans un repas, et puis il y en a, il était comme ça devant toi, il était choqué. Et après, tu te rends compte, tu n'arrives plus à apprendre. Bon, bah là, voilà. Tu perds un truc bien que tu avais. Ou alors, par exemple, t'es KO. T'es complètement KO. Des trucs comme ça peut être l'aïn. Toujours KO, toujours envie de dormir. Mais ça, c'est pareil, il ne faut pas psychoter. Parce que le problème avec KO, envie de dormir, ça a tellement de causes. À notre époque, avec tout ce qu'on mange, tout le monde est KO, tout le monde a toujours envie de dormir. Donc, c'est ça aussi le problème. Comment être sûr que c'est l'aïn? Mais dans tous les cas, il faut s'en protéger. Mais des fois, on peut le savoir. On peut savoir que c'est du aïn. Par exemple, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il y a un compagnon qui se lavait et un autre il l'a vu, il était choqué de sa blancheur. Et il lui a dit, il a dit une phrase du style, oh, j'ai jamais vu ça, et l'autre il est tombé. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que quand on sait qui a fait l'aïn, on lui demande de faire l'eau d'eau, dans de l'eau, donc il laisse couler l'eau dans un récipient, de laver l'intérieur de son izar, donc c'est comme si nous maintenant il lave l'intérieur de son caleçon. Et il laisse couler l'eau, et l'autre il se lave avec. Et hop, et il guérit. Moi j'ai déjà vu l'aïn, personnellement. C'était marrant. En fait, moi j'étais connu pour ne pas avoir une voiture. Je vais pas dire un clochard, mais bon. Être un galérien, on va dire. Et puis en 2011, j'ai eu une 406. Donc c'était une belle 406, intérieur cuir et tout. Et je vais à Paris pour une réunion avec d'autres frères et tout, pour parler des conférences, des machins comme ça. Et sur le retour, il y en a un qui était d'un autre endroit, dans le 93, il me dit « tu me suis ». Donc moi je suis dans ma voiture, lui il n'a pas vu ma voiture encore. Après il arrive comme ça, et je vois, il regarde ma voiture, mais choqué. Elle s'est arrêtée sur le moment même. Voilà, j'ai démarré et tout. Et quand il a fait ça, paf, elle s'est arrêtée. Et en fait, le volant, il voulait plus tourner. Et c'était une courroie de... Il y a le distrib et il y a l'autre, je sais plus c'est quoi. Elle a pété. Et même le mécano, il m'a dit, c'est n'importe quoi qu'elle pète comme ça. C'est... Tu sors, tu t'es garé, tu sors. Il m'a dit, c'est pas le... Bah, c'est l'aïn, ça existe. Ça existe, l'aïn. N'achetez pas des Peugeot. Et je lui ai dit, t'as dit quoi quand t'as vu ma voiture? Il m'a dit, j'ai dit... Parce que je l'ai vu bouger ses lèvres, il m'a dit, j'ai dit, c'est quoi cette caisse? Il m'a dit, ça m'a choqué que toi t'es une voiture et qu'en plus t'es une belle 406. Voilà. D'ailleurs, justement, pour parler de Masha'Allah, comment on évite de faire l'aïn à autrui? C'est pas en disant Masha'Allah. Ça, c'est répandu que c'est Masha'Allah, mais en fait, même certains savants, ils l'ont dit. Et d'où ils l'ont retiré? Ils l'ont tiré de la Sourate Al-Kahf, avec l'histoire des deux hommes, celui qui est entré dans son jardin. Fadakhala jannatahu. Et donc, il était. Abada. Quand il est rentré dans ce jardin, il a dit, je ne crois pas que ça va disparaître un jour. Après, l'autre qui était croyant, il lui a dit, Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sha'a Allah la quwwata illa billah. Il a dit, pourquoi quand tu entres dans ton jardin, tu ne dis pas plutôt ma sha'a Allah? Ça veut dire quoi ma sha'a Allah? C'est-à-dire, en gros, ça, c'est Allah qui l'a voulu. Wala quwwata illa billah. Et il n'est de force que par Allah. C'est-à-dire, si j'ai eu la force de travailler pour gagner tout ça, c'est grâce à Allah qui m'a donné cette force. Donc là, c'est pas pour l'aïn en fait. C'est dans quelle situation que tu dis Masha'Allah, la quwwata illa billah? C'est par exemple, tu as acheté une belle voiture, et des fois, chacun d'entre nous, quand il a par exemple un beau canapé, une belle voiture ou des beaux vêtements, quand il les met, il sent un peu de. Ah, il va dans sa voiture, pff, il dit, ah, je suis bien. Là, et tout. Ben là, il faut dire, en fait, là, c'est comme l'homme dans le jardin, la sourate al-Kahf. Il est rentré dans son jardin, pff, et voilà, il ne se sentait plus à cause de son jardin. Ben c'est là qu'il faut dire, en fait, pour se rappeler, ça vient d'Allah. Et tu dis, Masha'Allah, la quwwata illa billah, je ne l'ai pas gagné par mes efforts. Donc, par exemple, ta voiture, elle est bien, tu es bien dedans, ben tu dis, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Donc, ce n'est pas pour l'aïn. C'est contre l'orgueil, finalement. Voilà, c'est un peu contre l'orgueil, ouais, l'insuffisance, tout ça. Et l'aïn, par contre, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand l'homme a fait l'aïn à l'autre, il lui a dit, Halla barakt. Ça signifie, pourquoi n'as-tu pas demandé la baraka? Donc en fait, il faut demander la baraka pour cet individu. Donc par exemple, tu dis, Allahumma barik lahu, Allahumma barik fi, ou barakallahu fik, barakallahu lak. Si tu ne retiens pas tout ça, tu dis barakallahu fik. Barakallahu fik, ce mot-là, tout le monde le connaît. Tu demandes la baraka. La baraka, ça veut dire le bien. Quand tu dis ça, eh bien, ça évite ton aïn. Ça fait que le aïn n'opère pas. Bon, on fait surat al-Nas. Tafsir surat al-Nas wa hiya madaniya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Donc dit, je me réfugie auprès d'eux. Donc d'abord, rabbin nas. Rab, on avait vu, ça signifie le créateur. Le créateur est celui qui possède les hommes, qui est le maître des hommes. Malikin nas, le roi des hommes. Donc c'est quoi la nuance entre Malik et Rab? Malik, ça désigne plus l'autorité. Le fait d'être le roi, le chef, celui qui donne les ordres, celui qui dirige. Ilah innas. Donc Ilah, c'est quoi la nuance avec les deux d'avant? Ça désigne plus l'ibada. C'est celui que les hommes doivent adorer. Min sharril waswas il khannas. Contre le mal de al waswas al khannas. C'est-à-dire al shaytan. Donc Allah l'a qualifié par deux qualificatif. Al-waswas, ça veut dire celui qui fait le waswas, celui qui fait des suggestions, des mauvaises pensées. El-khannas, ça veut dire celui qui se retire. Pourquoi? Parce que Abdallah ibn Abbas, il a expliqué ça en disant Al-shaytan mujathimun ala qalbi ibn Adam. Le diable, il est collé au cœur de l'être humain. Fa'idha rafala waswasa. Quand l'être humain, il divague, il fait le wiswas, c'est-à-dire il lui insuffle les idées. Donc ça peut être les idées où il lui donne envie de faire des péchés, etc. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهِ خَنَسَ. Mais quand il se rappelle d'Allah, il mentionne Allah, il se retire. Donc il est waswas, khanas. Ça dépend de toi. Est-ce que tu es insouciant ou est-ce que tu es dans le dhikr. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Donc celui qui fait le wiswas, c'est-à-dire qui insuffle dans la poitrine des gens. Poitrine, c'est-à-dire ici le cœur. Min al-jinnati wa an-nas, parmi les djinns, les génies ou les humains. Ou plutôt, et les humains. Mais ici, min al-jinnati wa an-nas, ça parle de qui? Est-ce que ça parle de al-ladhi waswisu, c'est-à-dire celui qui fait le waswas, il peut être parmi les djinns et les humains? Parce que dans les djinns, il y a les shayatin et il y a le reste des djinns. Mais dans les êtres humains aussi. Allah dit dans le Coran qu'il a qualifié certains êtres humains de shayatin. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. Donc il a bien dit que les êtres humains aussi ça peut être des shayatin. Ils atteignent un tel niveau de kufr que ce sont des shayatin. Donc est-ce que parmi les djinns et les humains ça veut dire que le waswas il peut être, ou plutôt le waswas il peut être parmi les djinns et les humains? Ou est-ce que ça veut dire fi soudourin nas, il insuffle dans les poitrines des gens, et ces gens qui subissent son wesswas, c'est à la fois les djinns et les humains. L'imam Tabari, il a choisi le deuxième. Et d'ailleurs, c'est logique. Pourquoi? Parce que, bah, c'est quoi le verset juste avant? La dernière chose qui a été citée, fi soudourin nas, dans le cœur des gens. Donc ces gens-là, minal jinnati wal nas, c'est-à-dire minal jinnati wal ins, ils font partie à la fois que ce soit des êtres humains ou des djinns. Et le Cheikh As-Sa'di, lui, tel qu'il l'explique, il l'explique plutôt de la première façon. C'est-à-dire que celui qui fait le wiswas, ça peut être un être humain ou ça peut être un diable. Ou plutôt un djinn, je veux dire. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها ومادتها plutôt الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس. Donc il dit en fait cette sourate, c'est elle englobe le fait de se réfugier auprès du Seigneur des gens, du roi des gens, du Dieu des gens, contre le diable qui est la base de tout mal. Il dit la source de tout mal, c'est le shaitan. Et le shaitan, il est de sa fitna et de son mal qu'il fait le wiswas. C'est-à-dire, il insuffle. Et le wiswas, il donne des idées dans le cœur des gens. فَيُحَسِّنُ لَهُمُ الشَّرْ وَيُرِيهِمْ إِيَّاهُ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ وَيُنَشِّطُ إِرَادَاتِهِمْ لِفِعْلِهِ. Donc d'un côté, le mal, il embellit le mal, et le diable, il embellit le mal. Et il motive l'être humain à faire le mal. Il dirige l'intention de l'être humain vers le mal. Et à l'inverse, il leur enlaidit le bien. Il lui donne une mauvaise image, qui n'est pas sa vraie image. Et il ralentit les êtres humains vis-à-vis du bien. C'est-à-dire qu'il les immobilise et il les démotive vis-à-vis du bien. وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أي يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. Et donc il est toujours dans cette situation. Waswas khannas. Soit il est en train d'insuffler, soit il se retire si l'être humain il demande la protection d'Allah ou si il se rappelle d'Allah. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. Donc l'être humain, il doit demander l'aide et la protection du Seigneur, c'est-à-dire d'Allah, car il est le Seigneur de tous les gens, c'est-à-dire à la fois des génies et des humains. وأن الخلق كلهم داخلون تحت ربوبية تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها. Il dit donc qu'il doit savoir que toutes les créatures sont incluses dans la Rububiyya et Al-Mulk. C'est-à-dire, tous sont Marboub. Donc, tous, leur Rab, c'est Allah. Et leur Malik, c'est Allah. Et Allah tient toute bête par son toupet. C'est comme ça qu'on dit en arabe. Kullu dabbatin binasiyatiha. C'est-à-dire, tout être vivant, c'est Allah qui le tient. C'est-à-dire, qui en a la maîtrise. Wabi uluhiyatihi lati khalaqahum li ajliha. Et toutes sont incluses sous sa uluhiyya. C'est-à-dire, toutes doivent normalement adorer Allah. Et il les a toutes créées pour qu'elles l'adorent. فَلَا تَتِمُّ لَهُمْ إِلَّا بِدَفْعِ شَرِّ عَدُوِّهِمْ أَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ عَنْهَا وَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا. Or, donc, cette uluhiyya, cette ibada, elle n'est possible que si tu repousses l'ennemi qui est là pour faire un obstacle entre toi et l'ibada. En fait, là, le shaykh, à quoi il fait allusion? Il fait allusion en fait au lien entre pourquoi Rabbin Nas, pourquoi Malikin Nas, pourquoi Ilahin Nas. Pourquoi c'est ces trois noms qui ont été cités? Ben, en fait, il dit c'est pour te dire, toutes ces créatures, et notamment le diable dont tu crains le mal, son Rab c'est Allah, son Malik c'est Allah. C'est-à-dire que Allah le maîtrise et il peut te protéger contre lui. Et pourquoi Ilahin Nas? Parce que toi, ta fonction c'est d'adorer Allah. Or, le diable il est là pour t'en empêcher. Donc, demande la protection d'Allah contre lui pour pouvoir réaliser ton but. Donc, il dit le diable, lui, il veut ramener les gens dans son clan pour qu'ils soient parmi les gens de l'enfer. Et Donc il dit, lui, il a choisi la première explication. Il dit le waswas, celui qui fait le waswas, ça peut être un djinn comme ça peut être un être humain. Donc, sauf que l'être humain, lui, c'est pas de la télépathie. Lui, c'est en te parlant qu'il le fait ou en écrivant. Donc, c'est ainsi que le cheikh a terminé le tafsir du Qur'an. On verra qu'est-ce qu'on va faire dimanche. Moi, j'ai bien envie de continuer du tafsir. Si vous voulez, ce qu'on fait, on a fait les 10 dernières sourates, on revient en arrière. Par exemple, à partir de Idha Zulzilat. Comme ça, quand on a fini, après, on revient. On essaie de faire le tout sabbih, le hizb sabbih. Ou alors, peut-être que je ferai une parenthèse avec un autre sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un sujet particulier? Il y a un spécial. Salat. Pardon? Salat. La salat. Parce que la salat, on l'avait fait déjà. Au tout début, quand la mosquée est ouverte. Je vais voir, Inch'Allah. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Pour les arabophones, est-ce que ça vous dit que je vous donne un lien pour le tafsir? J'entends ça. Ouais.